Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Oh.